de gens ferment les yeux dans la rue, en passant dans le métro, en bus ou dans la ville, qui marchent en se pressant, peut-être de peur de voir à leurs yeux des faits choquants, peut-être de peur qu'il leur arrive quoi que ce soit d'embêtant. Dans la rue tu vois des bagarres, des embrouilles et de la haine, mais y a pas que ça, tu vois aussi des gens cool sans problème. Tu vois des pauvres et des riches dans des vies de bohème. Moi j'y trouve l'inspiration, j'y sens même des envies de poèmes. Quand je sors chez moi, je vois des choses intéressantes, surtout à l'arrêt de bus à 23h30. À cette heure, je vois un couple d'alcooliques qui se prennent la tête pour des bricoles. Je les vois tous les deux, ils ont l'âge de mes vieux et ils picolent. Puis je monte dans le bus direction centre-ville. Là, il y a toujours un mec qui te regarde mal, du genre ça va partir en vrille. Dans les grandes avenues, il y a des petits bourgeons trop teasés. Des fois, il y a des étrangers qui ont l'air paumés, mais ce ne sont que les apparences d'une grande ville. Impersonnel, au possible, c'est ce que tu dis quand tu ne sais pas, que tu ne vois pas l'invisible. Tu vois ces mecs qui toute la nuit font la tournée des bars, mais tu ne vois pas ceux dans la traboule qui roulent un spa. Passe par les rues éclairées, c'est ça si tu ne veux pas pleurer, et voir des gueules très mal rasées, de clochards apeurés. C'est sans se leurrer qu'ils te feront la manche très tard ou très tôt, pour de la nourriture, de l'argent ou un ticket resto. Il reste aux aguets, Jack Daniel, son arrière-pensée. Dans l'ivresse, certains ne passent pas l'hiver, ne font que passer. Pas assez de temps pour une vie, trop pour une vie dans la rue. Ne plus rien espérer, attendre et vivre dans la ruse. Il ne reste que quelques minutes avant que le jour se lève, que le soleil s'élève, que la ville sorte de ses rêves. C'est vrai que la rue blesse et laisse un bilan plus que sévère, mais sache que sa rudesse peut nous rendre plus que célèbre. Beaucoup de gens ferment les yeux dans la rue, en passant dans le métro, en bus ou dans la ville, qui marchent en se pressant, peut-être de peur de voir à leurs yeux des faits choquants, peut-être de peur qu'il leur arrive quoi que ce soit d'embêtant. Dans la rue tu vois des bagarres, des embrouilles et de la haine, mais y a pas que ça, tu vois aussi des gens cool sans problème. Tu vois des pauvres et des riches dans des vies de bohème. Moi j'y trouve l'inspiration, j'y sens même des envies de poème. Dans la rue tu vois ce mec par terre qui rêve d'un lit mais n'a plus d'espoir. Toute sa vie ses affaires traînent avec une tétaille dans un grand sac noir. À 18h sa fortune personnelle, ses deux pièces de 2 centimes. Sous l'alcool il raconte aux passants sa vie intime, sa vie indigne. Je suis indigné quand je vois cette dame qui a peur du clodo, et puis cette pute de bourgeoise qui le regarde de haut. À force de rouiller en ville avec les potes, on en a vu passer des tonnes. Ruiné, y'en a qui pètent un câble, est-ce que ça vous étonne? Dans la rue tu vois ce mec dont les poches débordent de fric. Ce monsieur de quelque chose, jamais contrôlé par les flics. Pourtant dans le fond, matez-le, c'est lui le plus dangereux pour les autres. Il consomme l'illicite pour la tendance, pour épater les autres. À côté de ça tu vois ce banlieusard, on s'en écarte, on le dévisage. L'air un peu louche, encore un jeune voyou qu'on verrait bien finir en cage. L'air un peu rageux aussi, mais c'est parce qu'il rêve de réussite. Tu le regardes tel un terroriste, imagine la colère que tu suscites. Dans la rue tu vois ces jeunes qui ont fumé dans un trou sans caméra, qui rigolent comme des cons autour d'une bouteille de vodka. Peu importe qu'ils soient riches ou pauvres, avec ou sans problème, ils sont sur une autre planète, se sont évadés pour oublier la haine. À côté de ça y'a ces mecs qui s'énervent pour un rien, pour un regard, pour une histoire de fierté. Ils entraînent les autres dans leur bagarre. Tu peux même apercevoir de loin des petits trafics. Tu peux me voir dans mon coin avec mon papier et mon bic. Beaucoup de gens ferment les yeux dans la rue, en passant dans le métro, en bus ou dans la ville, qui marchent en se pressant, peut-être de peur de voir à leurs yeux des faits choquants, peut-être de peur qu'il leur arrive quoi que ce soit d'embêtant. Dans la rue tu vois des bagarres, des embrouilles et de la haine, mais y'a pas que ça, tu vois aussi des gens cool sans problème. Tu vois des pauvres et des riches dans des vies de bohème. Moi j'y trouve l'inspiration, j'y sens même des envies de poèmes.